en quelques mots. Tu as tout brisé, effacé mes rêves trop beaux pour être vrais. Aujourd'hui, c'est fini, car dans ta vie, il y a déjà un autre amour plus fort que moi. Un jeu. Il faut maintenant partir et nous dire adieu.